chanson, une histoire, écriteuse à l'encre noire, tout en bas de mon cahier. Mais je n'ai plus de mémoire, quand les vers se déversent, quand l'hiver me transperce, que je ne pense plus à rien, que mon cerveau part en pièces, il me reste toi. Une musique en mémoire, et que meurent mes idées noires, qu'elle se noie dans un verre, glisse le long du comptoir. Pendant le vin, je devine qu'avec du charbon je dessine des yeux désireux de moi, et que mes rêves déclinent, il me reste toi. Du bout de mes doigts, je n'y parle la nicotine. Je déchire des accords mes idées malades. Quand ma voix s'écartèle sur des idées sans ordre, que je chante ou bien que j'essaye, que mes rimes riment avec le vent, il me reste toi. Une chanson, un regard, mais déjà voix tombe le soir, pour mettre fin à la pluie, ou qui essaye sans pouvoir. Et quand je couche mon corps, moins vivant qu'un cheval mort, que je débranche mes idées, qui ne valent pas de l'or, il me reste toi. Confiance me quitte, que la méfiance m'habite, que je n'ai plus goût à rien, que l'inspiration m'évite. Et la mort qui s'approche, elle qui m'a cloué les poches, te sentiras-tu le courage, si à ton bras je m'accroche, il me reste toi. Il me reste toi. Il ne reste que moi. Et une